Les principales formes de relief. Les hautes montagnes, les moyennes montagnes, les plateaux, les plaines. Une montagne, c'est une zone de grande altitude. Un plateau, c'est une étendue plate dans laquelle les vallées sont enfoncées. Un col, c'est un passage étroit entre deux montagnes. Un glacier, c'est une masse de glace. Une gorge, c'est un passage formé par un fleuve qui traverse un plateau. Une plaine, c'est une étendue plate. Un massif, c'est un ensemble de hautes terres. Une plage, c'est un endroit plat et bas d'un rivage. Un cap, c'est une avancée du littoral dans la mer. Une baie, c'est une partie de mer avancée dans les terres. Un golfe, c'est une étendue de mer presque entièrement entourée de terre. Une falaise, c'est une paroi verticale au-dessus de la mer. Un fleuve, c'est un cours d'eau qui se jette dans la mer. Une île, c'est une étendue de terre ferme dans la mer ou dans un océan. Un affluent, c'est un cours d'eau qui se jette dans un autre. Un lac. C'est une grande nappe naturelle d'eau douce à l'intérieur des terres. Une vallée. C'est un espace allongé entre deux zones plus élevées.